Thank you. fais parce que j'aime pas les phases de merde. Mais va pas croire que je l'aurais fait si j'avais du temps à perdre. Tu sais même pas car j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là, ça me fait le colère. pleurer. Difícil do